Être libre de la routine. Voilà le sujet de l'enregistrement d'aujourd'hui. Alors, j'ai décidé d'aborder ce thème parce que ça s'inscrit dans la dynamique de l'intégration de la conscience dans la vie de tous les jours, ce qui est fondamental parce qu'on pourrait parler d'éléments extrêmement abstraits en lien avec la conscience, que ce soit les sortes d'extraterrestres, ensuite les différents niveaux de réalité. Mais je veux concentrer l'attention de mon discours sur les éléments qui s'adressent aux gens dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. Et bien sûr, par rapport à tout matériel qui peut être diffusé sur cette chaîne, bien entendu, je suis confronté sur une base individuelle à une intégration personnelle que je peux en faire parce que, après tout, j'ai une vie dans mon quotidien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aborder le thème d'être libre de la routine, parce que la personne qui vous parle, alors moi je suis quelqu'un habituellement qui est très routinier. Dans mon passé, j'étais très structuré, je le suis encore beaucoup, mais avec le temps, et suite notamment à une discussion, à un échange qui a eu cours avec l'une des personnes qui a écouté certains de mes enregistrements, et puis d'autres personnes aussi dans le passé, j'en suis venu à un point aujourd'hui dans ma vie, au moment où ce que je prononce ces mots, que j'ai eu à redéfinir ma vie pour me libérer de routines qui n'étaient plus utiles. Donc, lorsque la forme est finie, lorsque la forme nous alourdit, eh bien, il faut être capable de la délaisser pour vivre davantage dans la fluidité de l'être et de la fluidité de la vibration. Parce qu'après tout, notre être, notre esprit, c'est une énergie qui est libre, qui n'est pas piégée dans la forme. Et c'est la raison, entre autres, qui m'a amené, sur le plan personnel, à agir en conséquence, dans le sens que j'ai eu un échange téléphonique récemment avec ma mère. Elle, ça faisait des années, depuis que je l'ai quittée pour aller vivre en appartement avec ma compagne, que je l'appelais à chaque semaine. C'était les jeudis ou les vendredis soirs, pour discuter avec elle par téléphone, pour lui donner un petit peu des nouvelles sur ce que j'ai fait pendant la semaine. Et avec les années, c'est devenu une habitude, donc c'est devenu une routine. Et ça crée une certaine lourdeur, dans le sens qu'il y a des semaines que j'étais plus en forme, donc j'aurais pu y parler plus longuement. Il y a des semaines, j'étais moins en forme, j'avais moins le goût d'y parler. Donc j'ai renégocié mon rapport avec elle, pour lui dire que au lieu de la téléphoner par habitude, donc par comportement mécanique, par comportement psychologique au niveau de l'ego, je vais plutôt procéder par vibration, dans le sens que si une semaine j'ai la vibration de la téléphoner, bien je l'appelle au moment où ce que j'ai la vibration de la téléphoner, pas nécessairement le jeudi ou le vendredi soir comme je le faisais dans le passé, mais donc vers la fin de la semaine par habitude. Donc ça va être une autre façon de procéder. Donc c'est sûr que je vais partager ça. Dans un esprit aussi de réciprocité psychologique, parce que j'y ai dit, ah, regarde, si tu as la vibration à un moment donné de m'appeler, même si c'est pas au jeudi ou vendredi, peu importe le jour de la semaine, si tu as la vibration de m'appeler, tu peux m'appeler. Donc ça va dans les deux sens. Donc j'ai modifié le rapport avec elle et la raison pour laquelle je vous en parle, parce que c'est utile de s'alléger de comportements routiniers qui nous alourdissent et nous piègent dans certaines formes, qui, à un moment donné, crée une lourdeur avec l'habitude, avec les années. Donc, pour rester fluide, il faut s'organiser pour être libre de la forme. Et ça passe dans notre quotidien avec des actions très concrètes comme celle-là. Et là, je vous en parle parce que je me suis engagé concrètement là-dedans. Parce qu'après tout, je pourrais vous parler de conscience de manière extrêmement abstraite, sur un paquet de sujets. Je pourrais parler de choses qui sont prévues dans l'avenir. Mais fondamentalement, ce qui fait une différence dans ma vie, c'est les choses que je peux faire d'une manière concrète dans mon quotidien en termes d'engagement qui vont me donner une mesure de mon intégration de cette conscience-là. Et ça passe par des petits gestes qui, au fil du temps, s'accumulent et s'accumulent, et c'est ce qui nous permet de plus en plus d'avoir une vie qui est agréable et d'être bien dans notre peau. Donc, cet ajustement avec cette personne vise à m'amener à être davantage fluide dans mon rapport avec ma mère. Et si ça peut être utile pour moi de vivre cela, ce réajustement, il y a peut-être des gens qui m'écoutent présentement, qui vont évaluer, qui ont à renégocier, réajuster leur rapport avec, ce soit leur mère, leur père ou des gens de leur famille. Donc, il faut être capable de réévaluer tous les éléments dans votre vie lorsque vous sentez qu'une lourdeur qui s'installe au niveau énergétique Et ça, pour l'apercevoir, c'est au niveau du ressenti. Donc, si vous ressentez que vous avez une perte d'énergie en étant coincé dans une routine, eh bien, il faut être capable de s'en dégager, il faut être capable de s'en sortir, il faut être capable de redéfinir son rapport avec la réalité pour vivre un état de plus grande fluidité de l'être à l'image de l'esprit, parce que l'esprit est libre de toutes les formes sur le plan matériel. Donc, l'esprit, c'est une énergie qui est immortelle, c'est une énergie qui est capable de générer des formes, c'est une énergie qui est créative. Donc, l'esprit en tant que tel, il mange pas, il n'a pas besoin de payer d'impôts, il n'a pas besoin d'appeler sa mère à toutes les semaines. L'esprit est totalement libre. Et c'est lorsque l'individu intègre l'énergie de l'esprit qu'il va réajuster sa vie à la lumière de cette intégration énergétique pour tendre à une fluidité en relation avec son esprit à travers le processus de la conscientisation, qui est rien de plus qu'un processus d'intégration énergétique qui vise à amener l'individu à avoir plus de fluidité au niveau psychique, en étant ouvert à des choses nouvelles, mais en même temps sur le plan personnel, sur le plan de sa vie de tous les jours, parce que le travail de l'énergie, de l'esprit, lorsqu'elle est intégrée à travers la psyché de l'individu, l'amène à parler en relation avec ça. Ça peut amener la production d'enregistrements qui visent à diffuser une forme de conscience, mais ça l'amène aussi à agir. Et c'est à travers l'action qu'on peut avoir une mesure de l'intégration et de la capacité de l'individu à s'engager en relation avec la parole. Donc, c'est là-dessus, à travers l'aspect pratique, qu'on peut avoir une mesure réelle de la qualité d'intégration énergétique de l'esprit que peut faire un individu et des principes en lien avec la conscience. Donc, autrement dit, c'est ce qui vous en donne une mesure. C'est sûr qu'en termes d'engagement, quelqu'un peut me poser la question, toi, par rapport à ta compagne, à quel point tu étais prêt à t'engager par rapport à elle? Donc, c'est sûr qu'on peut répondre des choses abstraites, tu peux dire, ah, je l'aime, je sais, je sais, mais dans le concret, là, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Moi, je suis capable de dire que j'ai été l'accompagner à l'urgence à 4 h du matin en voiture. Donc, je l'ai déplacée en voiture il y a quelques mois. Elle avait vraiment mal au genou et c'était pendant la nuit. Donc, je me suis levé pendant la nuit à 4 h du matin. On a été ensemble à l'urgence, aller rencontrer un médecin là, pour voir qu'est-ce qui se passait. Donc, en termes d'engagement, si quelqu'un me pose la question, toi, tu es prêt à aller jusque où? Ben, je sais que je suis prêt à aller jusque-là. Donc, ça donne une mesure concrète de qu'est-ce que je peux faire. Et c'est sûr que pour ce qui est de l'engagement en relation avec la vibration de l'esprit, bien, votre mesure de votre capacité d'intégration de cette conscience dans votre vie de tous les jours, c'est en fonction des actions que vous pouvez faire. Et les actions, ça n'a pas nécessairement besoin d'être spectaculaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de devenir du jour au lendemain un super-héros comme les X-Men ou Spider-Man ou Batman qui va faire des actes incroyables. Non. Il suffit tout simplement d'être capable de faire des choses dans le quotidien en fonction de la vibration que vous avez. Pour certaines personnes, la personne peut être mise en vibration pour faire le grand ménage du logement. Donc, si elle est mise en vibration pour faire ça, et elle fait le grand ménage du logement dans lequel elle réside, bien, c'est une action qui est vibratoire. Ça montre que l'individu a la capacité de suivre la vibration sans se faire astraliser par exemple, le désir subjectif de remettre ça plus tard, dans une autre année. Si la personne est capable de suivre la vibration de l'esprit lorsqu'elle juge qu'elle est intelligente, en n'ayant pas de résistance par rapport à elle, bien à ce moment-là, elle vit la fluidité de l'être. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, si on reprend mon exemple de tantôt, j'ai eu à communiquer par téléphone à ma mère. C'est sûr que si je vibre au niveau de l'âme, je peux avoir peur de la déplaire. Parce que ça fait des années que je l'appelle constamment le jeudi, le vendredi soir, pour m'informer par rapport à elle, comment ça va, lui donner un petit peu de mes nouvelles depuis que je réside plus avec elle. Dans le même logement. Donc, c'est sûr que je peux vivre une forme d'insécurité au niveau de l'âme qui va dire, ah non, non, t'es mieux de continuer ta même routine, ta même habitude, t'es mieux de rien changer. Mais la vibration de l'esprit va me dire plutôt, non, non, toi, ajuster ton rapport avec elle pour avoir plus de fluidité. Fait que là, soit que je continue dans la dynamique de l'âme et je maintiens la mémoire ancienne du comportement, de la routine, le statu quo. Donc, je reste dans la forme ancienne ou au contraire, je renégocie les rapports. Si je sens que la vibration est plus haute de renégocier le rapport et que j'agis en conséquence, c'est-à-dire que je prends l'appareil téléphonique, je compose son numéro et je lui parle pour expliquer le réajustement. Et c'est sûr que ça peut l'amener à vibrer émotivement, et moi aussi. Sauf que si je suis capable d'aller au-delà de tout ça et d'agir avec la vibration de l'esprit, ça me donne une mesure à quel point je suis capable de suivre une vibration et d'agir en conséquence. Et si je suis capable pour un réajustement avec un individu, ça veut dire que je suis capable aussi pour un réajustement avec une autre personne. Ça peut être dans mon rapport avec mon frère, ça peut être dans mon rapport avec des collègues de travail, ça peut être de rapport avec un paquet de personnes. Donc, autrement dit, votre capacité de suivre la vibration vous donne une mesure de votre capacité d'intégrer votre conscience et de vous assumer aussi en tant qu'être, dans le concret. Donc, c'est sûr que de suivre la vibration, c'est sur les différents plans. Ça peut toucher aussi à l'aspect du couple, donc au niveau de la sexualité. Donc, si quelqu'un est capable de générer de paroles vibratoires, il me semble que ça serait la moindre des choses qu'il ait la capacité d'exprimer d'une manière adéquate, avec sensibilité, avec respect, la nature de ses besoins sexuels et également d'être à l'écoute de ceux de sa partenaire ou de son partenaire, tout dépendant là, si la personne est hétéro, homosexuelle ou peu importe. Donc ça va dans le même sens. C'est-à-dire que si la parole est intégrale, la personne est capable de se définir dans son rapport à la sexualité en étant capable d'exprimer dans le respect, je le précise ici, clairement c'est quoi ses besoins sexuels et aussi d'être à l'écoute des besoins sexuels de sa partenaire. Donc, qui peuvent s'exprimer à travers la parole. Parce que si la personne est gênée, elle ne voudra pas parler, mais ça se peut que ça fait des années qu'elle vit certaines formes d'insatisfaction sexuelle liées au couple parce qu'elle est sous l'influence de la gêne. C'est quoi la gêne? C'est une vibration astrale qui empêche le mouvement d'énergie. Donc, si la personne est capable d'aller au-delà de la gêne, au-delà de cette forme qui réduit le flot de la parole, bien, elle va pouvoir s'exprimer et clarifier que, par exemple, si elle n'aime pas faire certaines positions ou elle en préfère d'autres, bien, elle pourra donner ce genre de détails et elle sera capable de parler ouvertement de sexualité sans vivre une forme de culpabilité. Parce qu'autrefois, les gens qui vivaient de la sexualité en dehors de la reproduction, en fonction du conditionnement religieux catholique, allaient vivre de la culpabilité parce que la conception chrétienne de la sexualité, dans laquelle j'ai grandi au Québec, était associée fondamentalement, à la reproduction de l'espèce. Donc, la sexualité, pour y exprimer des vibrations, pour aller chercher un plaisir corporel, était extrêmement mal vue. C'était vu comme une occasion de péché. Donc, les gens qui avaient du plaisir sexuel étaient vus comme des pervers. C'était vu d'une manière extrêmement péjorative au Québec. Et là, au fil des décennies, au fil des générations, il y a une plus grande aisance par rapport à la sexualité. Donc, il y a eu des sexologues. Et les gens ont de plus en plus d'ouverture à être capables de parler ouvertement de sexualité, sans gêne. Et puis, c'est sûr qu'en lien avec ça, moi-même, j'ai eu à développer une plus grande capacité de parler ouvertement de sexualité avec ma compagne. C'est sûr que le but de cet enregistrement n'est pas de vous donner ce type de détails à caractère personnel, mais c'est plutôt de vous attirer votre attention sur le fait que si vous voulez manifester une parole qui est intégrale, en harmonie avec votre être, bien ça passe par la capacité de discuter de sujets en lien avec la conscience, mais ça passe par la capacité de vous exprimer et de vous définir à travers tous les aspects de votre vie, que ce soit l'aspect sexuel, votre rapport à votre mère ou également aux gens qui vous entourent. C'est tous des aspects qui doivent être revisités en fonction de votre conscience pour individualiser votre rapport au réel. En ce sens que quelqu'un qui s'individualise en intégrant une conscience nouvelle doit s'individualiser dans sa capacité de définir ses préférences sexuelles, par exemple. Donc, ça fait partie de ça, ce processus-là, parce que si c'est une parole qui est intégrale, c'est total. Donc, à la différence de certaines approches de spiritualité là, qui prônent la chasteté, ensuite la soumission à des maîtres spirituels qui vont leur dire quoi faire en matière de sexualité ou autre. Non, la parole intégrale, c'est une parole qui permet de parler de tout, dans la transparence et j'ajoute bien sûr le respect de l'autre. C'est sûr, pour ce qui est de la sexualité, c'est important d'avoir beaucoup de respect pour ne pas créer des chocs, mais en même temps, c'est fondamental que la parole se doit d'être transparente, claire, limpide. Et c'est ce qui permet l'épanouissement de l'individu, c'est ce qui peut permettre aussi l'épanouissement du couple, parce que les deux se parlent ouvertement, puis si les deux vivent un processus de conscientisation, éventuellement ils sont capables de vivre des rapports en lien avec l'intégration d'une conscience télépathique. Et cette capacité d'intégrer une conscience télépathique va faire en sorte qu'ils vont vivre certains synchronismes dans leur vie de couple qui peuvent être extrêmement appréciables. Et c'est sûr que cette vibration de la conscience va amener, lorsqu'elle est intégrée par l'individu, des modifications par rapport à tous les aspects de son existence, que ce soit son rapport à sa mère, son rapport à la sexualité ou son rapport aussi à l'argent, parce que cette vibration cherche à amener l'individu à évoluer, à se redéfinir créativement, pour que l'individu soit de plus en plus un canal libre de toute forme de blocage et d'entrave qui va laisser de plus en plus circuler à travers lui une grande quantité d'énergie. Donc, à ce moment-là, tout ce qui est des éléments de blocage, d'obstacles, que ce soit des émotions, des peurs, des craintes, tout ça, ces éléments-là qui font interférence à l'épanouissement intégral de l'individu vont être amenés à la lumière de sa conscience. Donc, l'individu va les regarder avec transparence et il va amener les actions nécessaires pour réajuster la situation à chaque fois qu'il perçoit une forme de déséquilibre dans sa vie. Donc, autrement dit, si la personne perçoit un déséquilibre dans son rapport avec sa mère parce qu'il téléphone sa mère tout le temps au même moment dans la semaine, ben, il va être capable d'amener un changement. S'il perçoit un déséquilibre parce qu'il vit de la timidité, il a de la difficulté à exprimer avec clarté ses besoins en matière de sexualité, bien, il va être capable de prendre la parole pour se réajuster à l'égard de cet aspect-là. Même chose pour différents autres aspects dans sa vie qui vont être amenés à sa conscience. Donc, autrement dit, la redéfinition de l'individu en lien avec l'intégration de l'énergie est totale parce que l'énergie cherche de plus en plus à descendre à travers lui et en relation avec cette descente, ça prend une capacité d'ajustement qui est de plus en plus immédiat. Donc, autrement dit, au lieu d'attendre plusieurs mois avant d'apporter un changement, ça devient de plus en plus instantané, rapide, immédiat, parce que l'individu développe une volonté qui cherche à faciliter l'intégration de l'énergie et l'amener à vivre une vie qui est de plus en plus agréable, parce que c'est le but de la conscience. Le but de la conscience en tant que telle, c'est fondamentalement d'être bien dans sa peau. Et c'est ça l'élément fondamental par rapport à toute l'intégration de la conscience qui peut être vécue au fil du temps.